Ensuite, on a deux petits verbes intéressants. Hein? Je les présente ensemble parce que, d'une certaine manière, ils vont de pair. C'est faire et dire. Faire se dit... À faire. À faire. Et dire, c'est... Décir. Décir. Ce sont deux bons amis. Hein? À faire et décir. Et ce sont des verbes gogo. Hein? Je fais se dit... Hago. H-A-G-O. Et je dis, digo. Hago et digo. Alors, maintenant, récapitulons. J'ai. Tengo. Tengo. Je viens. Vengo. Vengo. Je sors. Salgo. Salgo. Je mets. Pongo. Pongo. Et puis, les deux petits verbes qui vont de pair. Je fais. Hein? Je le fais. Lo hago. Lo hago et je le dis. Lo ten... lo digo. Di, di. Lo digo. Lo digo. Hein? Lo digo. Et il y a encore quelques verbes qui se forment sur le même modèle. Hein? L'un d'entre eux, très important, c'est traigo. Hein? Traigo vient de traer. T-R-A-E-R. Hein? Traer, qui veut dire apporter ou amener. Traer, comme une traction. Traer, apporter, amener, donc traigo. Hein? T-R-A-I-G-O. Il y a un I qui remplace le E hein, avec la terminaison go. Traigo. C'est j'apporte. Alors, je l'apporte, c'est... Lo traigo. Lo traigo. Je le mets... Lo pongo. Lo pongo, oui. Je viens. Vengo. Vengo. Je sors. Salgo. Salgo. Et maintenant, les deux petits verbes qui vont de pair. Je le fais. Lo hago. Lo hago. Et je le dis. Lo digo. Lo digo. Et je l'apporte. Lo traigo. Lo traigo, oui. Ce sont les verbes gogo. Hein? Ce sont tous des verbes très courants. Hein? Donc, encore une fois, je le mets, c'est... Lo pongo. Encore une fois. Lo pongo. Lo pongo, hein? D'accord. Lo pongo. Et comment direz-vous, où le mettez-vous? Vous parlez à usted. Hein? Et là, on retrouve les formes régulières. Donc... Où le mettez-vous? Donde lo pone? Bien, donde lo pone. Hein? Donde lo pone. Et si maintenant vous posez cette question à ustedes, où les mettez-vous? Donde? Bien, donde lo ponen? D'accord, hein? Donde lo ponen. Hein? Donde lo ponen. Et où est-ce que tu le mets? Donde lo pone? Hein? Encore une fois. Donde lo pones? D'accord. Donde lo pones? Hein? Je veux entendre ce S à la fin. Donde lo pones? Donde lo pones? Voilà. Hein? Et nous le mettons ici? Lo ponemos? D'accord. Hein? Très bien. Hein? Ici? A qui? C'est ça. Lo ponemos a qui? Donc... Avec nous, on part de l'infinitif, de poner, on enlève le R et on ajoute mos. Lo ponemos aquí.